Ces pages inédites, de la main de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, ont été rédigées à partir de souvenirs d'enfance confiés par Mère Geneviève de Sainte Thérèse à la jeune carmélite. On sait quelle amitié les unissait. La fondatrice du Carmel de Lisieux était considérée comme une sainte. Il est possible que ces souvenirs aient été rédigés par Thérèse à la demande de Sœur Agnès de Jésus, Pauline, après publication, mars 1892, de la circulaire nécrologique de l'ancienne prieure. Encre violette, papier collier et écriture, sont identiques à ceux de LT 134, du 26 avril 1892. En fait, le mémoire de Thérèse ne sera pas utilisé pour la nouvelle édition de la circulaire, en juin 1896, avant d'entrer au Carmel de Poitiers. Mère Geneviève se nommait Claire Bertrand. Elle mourut le 5 décembre 1891, et Thérèse rêva qu'elle lui léguait son cœur, MSA, 79 RDEG, l'orthographe et la ponctuation de ces deux textes ont été rectifiés. Mémoire sur Mère Geneviève de Sainte-Thérèse, 1805-1891. Confidence de Mère Geneviève, récit écrit après le 8 septembre 1890. JMJT. Eh bien, mon enfant, je vais vous confier un petit secret. Un jour que j'étais dans ma petite chambrette, j'avais fait une neuvaine à notre bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, j'entendis une voix qui me dit ces mots au milieu des plus grandes consolations, être l'épouse d'un Dieu, et la voix s'arrêtait comme pour me laisser mieux savourer toute la douceur de ses paroles. Et puis la voix reprit, quel titre, et la voix s'arrêtait encore, et elle reprenait, quel privilège. Je ne sais, ma pauvre enfant, où j'étais, mais je goûtais certainement les joies de l'extase, et quand elle fut passée, je me trouvais toute baignée de larmes, mais c'était de bien douces larmes il y a bien longtemps de cela, j'avais alors votre âge, 17 ou 18 ans. Mais le souvenir m'en est resté avec une telle force que, lorsque j'entendais chanter aux prises de voix l'Amo Christum, je croyais, ma pauvre enfant, que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Ah, c'est que je comprenais la grâce de notre vocation. Quand j'étais petite, j'avais alors environ 3 ans, Monsieur de Beauregard venait souvent, dans la communauté où j'étais avec 3 ou 4 petites filles de mon âge, mais c'était toujours moi qui l'appelais. Bertrand, petite pécheresse, monte dans ma chambre. Plus tard, au moment de son départ, il me dit qu'il lui semblait dès ce moment que le bon Dieu avait posé sa main sur ma tête. Eh bien, il ne s'est pas trompé, vous prierez pour moi quand je serai devant celui qui juge les justices, ma pauvre enfant, vous pouvez dire que le bon Dieu a fait pour vous des miracles en vous conduisant comme par la main. Et votre bon père qui était là, à votre VDG, prise d'habit. Mais maintenant, si le bon Dieu l'éprouve par la souffrance, c'est qu'il lui réserve une bien belle place dans le ciel. Mémoire sur Mère Geneviève. Récit, printemps 1892. Étant encore toute petite, à l'âge où les autres enfants ne peuvent se soutenir entre les bras de leur mère. Mère Geneviève se tenait très droite, son père se plaisait à l'asseoir dans ses mains. Au lieu d'avoir peur de tomber, elle se tenait sans bouger et regardait fièrement les personnes qui étaient autour d'elle. Quand Monsieur Bertrand la posait à terre, elle ne cessait de répéter, encore, encore. Dans la maison où elle habitait, il y avait plusieurs locataires, entre autres Mesdames de Mesmet, et d'autres dames nobles, il y avait aussi un jeune homme appelé Aimable. Les manières charmantes de la petite fille, et son esprit précoce la faisaient rechercher par toutes les personnes de la maison. Aimable avait collé derrière une porte, un grand alphabet pour faire lire la petite Claire, qui était très content de cet exercice, mais quand le grand Aimable, après lui avoir donné sa leçon, la posait à terre, elle s'enfuyait bien vite. On lui demanda pourquoi, elle répondit, « Je n'aime pas Aimable, parce qu'elle me fait des grimaces. » En effet, pour la faire rire, il s'amusait à faire des grimaces qui n'étaient pas du goût de la petite fille. Cependant, grâce à ce grand alphabet, elle savait toutes ses lettres à accent circonflexe 18 mois, et bientôt après, un monsieur lui ayant demandé si elle savait lire, elle répondit, « Oui, monsieur, je sais bien lire, il n'y a que le latin que je ne sais pas encore lire très couramment, je ne suis pas sûr si c'est le latin ou l'écriture des lettres. Il y avait dans la maison un monsieur qui savait plusieurs langues. Vous comprenez si cela me semblait beau et intéressant, ou si j'allais souvent le trouver et je lui disais, « Monsieur, Voudriez-vous avoir la bonté de me dire en anglais comment je dois demander la collation à maman ? Ce monsieur me l'ayant dit, je descendais l'escalier 4 à 4, et je venais auprès de maman, lui baragouiner ce que j'avais appris. « Mais que me dis-tu donc là ?» me disait-elle avec étonnement, « veux-tu bien me laisser ? Mais, maman, je vous demande la collation en anglais. » Puis, bien vite, je remontais l'escalier. « Monsieur, voudriez-vous me dire la même chose en espagnol ?» Encore plus promptement, je redescendais en récitant ma leçon, puis, arrivé près de maman, je la lui disais avec un air bien fier, comme elle ne me comprenait pas, je me hâtais de lui dire, « Mais, maman, je vous parle en espagnol. » J'en faisais autant pour les autres langues, demandant à monsieur de me dire telle ou telle chose dans la langue que je voulais savoir. Un jour que maman était malade, monsieur de Beauregard vint pour lui rendre visite, j'étais seul en bas pour le recevoir. « Petite, me dit-il, puis-je voir ta mère ?» Toute fière de le recevoir, je lui répondis que oui et que j'allais l'accompagner s'il voulait bien monter. Mais, ma pauvre petite, je ne savais pas que ma mère était si malade, car le médecin avait ordonné qu'on lui mette les sangsues, et c'était justement pendant que je montais l'escalier en faisant la conversation avec monsieur de B. arrivé la porte, je l'ouvris bravement, mon père alors se retourna pour voir qui était là. Quelle ne fut pas sa surprise en voyant monsieur de B. Pour moi, je fus bien étonné de voir ma mère couchée avec toute une pendaison de sangsues, qu'on lui mettait autour du cou. Monsieur de B. dit à ma mère, « Ah, madame Bertrand, bien sûr que vous n'êtes pas visible aujourd'hui, mais je reviendrai. » Alors mon père se confondit en excuses, demandant pardon pour sa fille, elle était alors âgée d'environ 3 ans au plus. Puis je reconduisis monsieur le curé à la porte, mais cette fois j'étais toute pénaude, et je ne savais quoi lui dire, j'avais alors bien du chagrin, mais maintenant, quand je pense à cette scène, je ne puis m'empêcher de rire, car c'était vraiment comique. Étant un jour chez son institutrice, elle voulut voir par une fenêtre élevée, trop petite pour y atteindre, elle se hissa comme elle put en montant sur quelque chose. Mais elle ne savait pas que l'achat de sa maîtresse était en dehors de la croisée, donnant au soleil sur un oreiller. Aussi, en montant, elle le renversa et l'achat tomba au loin avec son lit. Elle ne se fit aucun mal, mais quelques méchantes compagnies, heureuses d'avoir quelque chose à rapporter à leur maîtresse, s'empressèrent d'aller chercher la chatte, et dire à leur institutrice que la petite Claire, lui avait cassé une patte en la jetant exprès par la fenêtre. La maîtresse alors imposa à la pauvre petite fille la plus sévère punition, qui était en usage au pensionnat, et qui consistait à être coiffée d'un certain chapeau de pénitence. L'action des compagnies de Mère Geneviève était d'autant plus vilaine qu'étant beaucoup plus âgées qu'elle, elles étaient sûres de la faire punir plus facilement. Mère Geneviève supporta cette punition avec une patience d'ange, elle ne dit rien pour s'excuser, seulement, me dit-elle, j'avais mon petit cœur bien gros, mais je ne dis rien du tout. La veille de la naissance de son petit frère, Mère Geneviève, alors âgée de 9 ans, était avec son frère Jules dans une chambre qui se trouvait dans un bâtiment séparé de celui où se trouvait la chambre de leurs parents. Mère Geneviève, qui devait être marraine, ne cessait de parler avec son frère de ses projets d'avenir pour sa filleule, car elle espérait bien que ce serait une petite sœur. « Jules, disait-elle, je l'appellerai J.O. accent aigu. » Elle ajoutait à ce nom un grand nombre d'autres qui étaient ses privilégiés. Mais au milieu de la nuit, impatiente de voir si elle avait une petite sœur, elle se leva, mit seulement son petit jupon et se mit en route pour la chambre de ses mères, elle allait bien doucement sur la pointe du pied, mais, arrivée au terme de son voyage, elle eut une grande déception, car son père, ayant entendu un léger bruit, sortit de sa chambre et voyant sa petite fille à cette heure nocturne, voyageant ainsi par la grande maison aussi légèrement. Vêtue, au risque d'attraper du mal, il la gronda d'être curieuse et lui dit que, pour pénitence, elle ne saurait que le lendemain si oui ou non le bon Dieu lui avait donné une petite sœur. Le lendemain matin, dit Mère Geneviève, pendant que je déjeunais avec mon frère, je vis entrer mon père qui, se plaçant devant Jules, ôta son chapeau avec majesté et dit en le saluant, « Jules, je t'annonce que tu as un petit frère. Vous jugez de mon désappointement. » Pour Jules, Il était radieux et me disait avec ironie, « Je l'appellerai Giolaxanté Dieu, je l'appellerai comme ceci, je l'appellerai comme cela. » Enfin il disait tous les jolis noms que la petite marraine avait résolu de donner à sa filleule. Cependant, elle se consola le jour du baptême, ayant un charmant compère du nom d'Armand, qui lui avait fait cadeau d'une belle paire de gants et de délicieuses pralines. Arrivé à l'église, le prêtre qui faisait le baptême demanda, après les cérémonies d'usage, « Quel nom voulez-vous donner à l'enfant, Armand ?» Me hâtai-je de répondre, « Il n'y a pas de saint. Armand, reprit le prêtre, choisissez un autre nom, il s'appellera Auguste. » Dit mon père, pourquoi, me dit tout bas mon petit compère, n'as-tu pas dit Boniface, je m'appelle aussi comme cela, ah, bien, moi je ne pouvais pas deviner que tu te nommes Boniface, il fallait me le dire plus tôt. J'avais déjà bien des déceptions, mais je n'étais pas au bout. Arrivé à la sacristie, on nous dit de signer. Armand signa, mais quand vint mon tour, ne sachant pas le faire, je dis sans me déconcerter le moindre du monde, Armand, signe pour moi. Mais, aux douleurs, le prêtre le remarqua et me dit, « Comment, une marraine qui ne sait pas signer? Vous jugez de ma confusion. » Je perdis de vue mon petit compère, mais, 2 ans après, je fus envoyé chez ses parents pour faire une commission, nous nous saluâmes avec beaucoup de révérence, mais quand j'eus fini ma visite, étant déjà rendu à la porte du jardin, sa mère qui était d'une politesse excessive, le gronda bien fort en disant, « Comment, petit mal élevé, t'es ? » Tu laisses ainsi sa petite demoiselle, sans retourner seule sans l'accompagner jusqu'à la porte. Aussitôt Armand courut après moi en larmoyant, « Pardon, mademoiselle, excusez-moi. Mais, monsieur, il n'y a pas de mal du tout, vous ne m'avez pas offensé. » Après beaucoup de cérémonies, révérence et politesse, la grande demoiselle de 11 ans, quitta en riant de tout son cœur, son ancien compère devenu un monsieur, si poli et si bien élevé. Il y avait derrière la maison, un endroit du toit où l'on pouvait marcher. Ce toit donnait chez un voisin qui avait des acacias magnifiques lorsqu'ils étaient fleuris. Mère Geneviève, avec sa petite cousine et ses frères, se faisait un bonheur de passer par une mansarde pour aller cueillir de belles branches de fleurs, et ensuite de faire une magnifique procession sur le toit, mais ceci n'était pas du goût de Monsieur Bertrand, qui disait que les enfants lui cassaient ses ardoises, aussi lorsqu'ils entendaient quelque bruit, bien vite ils se hâtaient de rentrer par la fenêtre. Monsieur Bertrand ayant un brevet qui lui permettait de porter une décoration. Mère Geneviève pensa qu'elle aussi devait en porter, aussi elle en acheta une, un plomb et l'ayant portée à Madame de Mesmet, cette dame, qui la chérissait beaucoup, lui mit un joli ruban blanc pour l'attacher à sa petite robe. Un monsieur la voyant ainsi lui dit, « Mais, ma petite fille, avez-vous un brevet pour porter cette décoration? On ne doit pas en porter sans permission. » Il parlait ainsi pour s'amuser. Mais Mère Geneviève répondit avec un sérieux comique, « Monsieur, papa en a un. » Il y avait à côté de la maison, un petit garçon qui vendait des fleurs de lys peintes sur des morceaux d'étoffe. Mère Geneviève en acheta une et, l'ayant découpé et collé sur un petit drapeau blanc, elle le donna à son petit frère, les autres enfants le trouvaient si beau qu'ils voulaient le lui acheter, mais elle ne le voulait pas. Un jour que le petit Auguste était assis sur un meuble dans une salle au rez-de-chaussée, la porte de la chambre étant restée ouverte, des forcenés qui passaient, ayant vu cet enfant qui tenait son petit drapeau blanc, lui appliquèrent le plat de leur sabre sur ses petites jambes, au risque de les briser, et cela en haine de la fleur de lys. Monsieur Bertrand prit son fils, qui heureusement n'avait que quelques meurtrissures, et alla à la mairie montrer les jambes de l'enfant et demander justice. Madame de Mesmet étant partie pour une autre ville, Mère Geneviève et sa cousine, s'imaginèrent que dans la grande armoire où se trouvaient autrefois ces belles robes, elles trouveraient quelque chose de reste pour leur poupée. Mère Geneviève étant la plus petite, fut chargée d'aller à la découverte, elle grimpa donc de planche en planche, même ne trouva ni perles ni ruban, pas le moindre petit morceau de soie ou de broderie, bien désappointée, elle descendit de la grande armoire. Sans doute, sans s'en apercevoir, elle donna une secousse au meuble, toujours est-il que lorsque la petite fille mit pied à terre, à peine avait-elle fait un pas de côté, que la gigantesque armoire tomba, et se brisa avec un grand fracas. Madame Bertrand arriva toute effrayée, croyant trouver une des enfants écrasée, mais sa fille n'avait rien, pas même une égratignure. Mère Geneviève ne pouvait s'empêcher de dire que, sans un secours extraordinaire, l'armoire aurait dû tomber sur elle et la faire mourir. Mère Geneviève avait un corbeau qui se nommait Jaco, elle le laissait en liberté et, lorsqu'elle voulait le faire venir, elle se mettait à sa fenêtre en appelant « Jaco, Jaco », aussitôt l'oiseau se hâtait d'accourir. « J'aime beaucoup les corbeaux », me dit Mère Geneviève. Dans la vie des saints, on en parle fréquemment, c'était l'un d'eux qui était chargé de nourrir Saint Paul premier ermite, et le bon Dieu s'est souvent servi de ces oiseaux pour faire des merveilles. J'aimais donc beaucoup mon Jaco. Ma mère ne l'aimait pas autant et, quand il venait dans sa chambre, elle se hâtait de le chasser, mais mon ami voyait le couperet à accent circonflexe l'atteindre, avec finesse, il volait sur le lit ou sur la table où ma mère avait posé son tricot, il tirait toutes les aiguilles, puis s'envolait en croassant d'un air moqueur sans avoir reçu aucun coup. Nous demeurions alors dans une maison éloignée de la ville, aussi pour faire venir le vitrier. Nous attendions qu'il y eût plusieurs carreaux de cassé et, à la place, nous collions du papier. Un matin, nous trouvâmes dans la salle à manger, qui n'avait pas encore été desservie, tous les verres renversés. Notre étonnement fut grand, mais ne dura pas longtemps, car bientôt nous avons compris que cela était l'ouvrage de notre Jaco. En effet, la nuit nous avions entendu du bruit. C'était mon oiseau qui avait bravement enfoncé des vitres de papier pour pénétrer dans la salle, puis légèrement il avait volé sur la table, avec sa petite patte, il avait doucement renversé un verre, de façon à ce que le vin qui restait lui tomba dans le bec, qu'il avait eu soin de mettre en dessous de la table, la même cérémonie avait eu lieu pour tous les autres verres. Dont pas un seul n'était cassé. Mais si Jaco aimait beaucoup le vin, il n'aimait pas moins la viande. Un jour, deux religieuses s'apprêtaient à se mettre à accent circonflexe, table dans une des pièces du rez-de-chaussée, un bon rôti les attendait, mais mon Jaco l'ayant avisé, il sauta dessus et l'emporta, au grand ébahissement des pauvres religieuses. Cette fois, j'ai beau l'appeler, il ne me répondit que lorsqu'il ne restait plus rien de son rôti, qu'il mangeait commodément installé sur un toit voisin. Il était aussi très dévot et se rendait à accent circonflexe. L'église en compagnie des religieuses, se percha sur leur prie-dieu, et dansait en faisant exactement les mêmes mouvements qu'elles, chantant, quoi coui coui, coui coui, dans le même ton que les bonnes sœurs disaient leurs prières. Jaco eut une fin digne de lui, car il mourut dans le bénitier de l'église. Après lui avoir reproché ses frisures, Monsieur de Beauregard lui reprocha encore de porter des collerettes. Je portais alors des collerettes, comme c'était la mode. Elles étaient pourtant bien simples, mais, je ne sais pourquoi, elle déplura Monsieur de B, qui me dit de ne plus en porter. Cette fois, je fis mon sacrifice, car, l'ayant dit à accent circonflexe ma mère, elle me répondit, « Ma fille, il faut obéir à ton confesseur. » Depuis lors, je laissai mes collerettes qui étaient pourtant bien gentilles. J'avais aussi un châle rouge qui lui déplaisait beaucoup, je n'avais pourtant pas de vanité en le portant, car ce n'était qu'un châle d'indienne, que je donnais à finir à la fille d'un fermier. Nous étions placés à l'église, ma mère et moi, près du banc des prêtres en face de la chaire. Il y avait aussi, en face de nous, deux personnes de mauvais genre auxquelles je ne faisais nulle attention. Il n'en était pas de même pour elles, car, à mon insu, elles passaient tout le temps de la messe à me considérer, et à essayer de me faire rire en faisant des grimaces. Dans le banc des prêtres, il y avait un jeune ecclésiastique, qui se nommait Monsieur Duchesne, je ne le connaissais que de vue, et ne lui avais jamais parlé. Un jour, je le rencontrai dans la rue où demeuraient les deux personnes dont je vous ai parlé, j'étais sur un trottoir et lui sur un autre. Je le saluai, comme j'avais l'habitude de le faire à tous les prêtres, et continuai mon chemin, mais j'avais à peine fait quelques pas, que des personnes de ma connaissance, sortirent de leur maison en me priant d'entrer chez elles. « Mademoiselle Bertrand, me dirent-elles, ne savez-vous pas ce qui se dit contre vous ? Regardez donc en face. » Je regardai et je vis dans la maison qui m'était désignée mes deux voisines d'église qui riaient, parlaient fort, faisaient de grandes démonstrations de joie. Je ne compris rien à tout cela, mais les personnes qui m'avaient fait entrer chez elles me l'expliquèrent, « Mademoiselle, il est de notre devoir de vous instruire de la calomnie qui se fait contre vous. » Ces personnes que vous voyez rire, vous appelle partout Mademoiselle Duchesne, elles disent qu'à la messe vous faites des sourires au jeune prêtre qui est devant vous, et c'est pour vous épier qu'elles vont à l'église. » Je contins mon émotion et remerciai de l'avertissement, mais, rentré à la maison, je me jetai en fondant en larmes dans les bras de ma mère. Après avoir appris le sujet de mes larmes, elle fut aussi étonnée que moi de cette noire calomnie que rien ne pouvait motiver, les personnes qui en étaient les auteurs, n'ayant jamais eu de rapport avec nous. Aussitôt, je partis avec ma mère et nous allâmes tout droit chez elle, leur surprise fut grande en nous voyant entrer. « Mesdames, leur dit ma mère, je viens vous demander quel mal vous a fait ma fille pour que vous osiez ainsi attaquer sa réputation ?» Nos interlocutrices restèrent sans mot dire et moi je repris, « Vous dites, mesdames, que je fais des sourires à un jeune prêtre qui se trouve en face de moi à l'église, pour y réussir, vous ne savez quelle grimace inventer, je ne me rappelle pas avoir jamais souri, mais sachez que si cela m'est quelquefois arrivé, ce n'a été que des sourires de pitié. » Depuis cette visite, je n'ai plus entendu parler de ces personnes, je ne les ai même plus revues. Mon petit frère aimait beaucoup les artichauts crus, mais je ne lui en donnais pas toujours, de peur que cela ne lui fasse du mal. Un jour, il en cacha un dans sa poche et alla se régaler seul loin de la maison. Quand il rentra, je vis à ses petites dents noires, qu'il avait mangé du fruit défendu, « Auguste, tu as encore mangé de l'artichaut. » Sa surprise fut grande. « Mais, ma bonne Clarisse, qui a pu te dire cela ? C'est incroyable. J'étais si bien caché. Tu sais donc tout ?» Une autre fois, revenant de sa pension, il me dit, « Si tu savais, ma bonne Clarisse, comme nous aimons les fêtes du Saint-Sacrement. Figure-toi que tout le long des allées du jardin, il y a de magnifiques pieds de fraisier. Quand la petite clochette sonne, aussitôt nous nous prosternons tous avec un empressement, qui ravit notre bon supérieur, mais tu penses bien, ma bonne Clarisse, que nous ne perdons pas notre temps, nous mangeons toutes les fraises qui sont à la portée de nos dents. J'aimais beaucoup à entendre le C. En des carmélites, souvent, le dimanche, j'assistais à leur vêpre avec mon petit frère, il était sage et se tenait bien recueilli, quoique le fils lui parût souvent un peu long. Aussi, dès que le cœur faisait une pause, pour dire par exemple le paternoster, aussitôt Auguste me tirait par ma robe en disant tout bas, « C'est fini, viens vite, ma bonne Clarisse. » Mais bientôt le chant recommençait, et mon pauvre petit frère était obligé de se remettre en prière, en attendant une nouvelle pause qui lui permettait de renouveler son désir de sortir. Cependant, je ne quittais la chapelle que lorsque les vêpres étaient entièrement terminées. Après la mort de ma mère, j'allais souvent visiter ma cousine Thérèse, je sentais que sa piété et son expérience pouvaient m'être d'un grand profit. Mais ces entretiens paraissaient bien sérieux à mon petit frère, il remuait, tournait autour de moi, me tirait par ma robe, puis s'approchant, il me disait tout bas, « Viens vite, ma bonne Clarisse, je ne me plais qu'à vous. » « C'est toi ma cousine » me disait alors, « Mais qu'est donc ton petit frère ? Comme il devient remuant. Veut-il quelque chose ? Non, non, ma bonne cousine, ce n'est rien, il va rester bien sage. » Puis je faisais un signe à Auguste qui, voyant qu'il n'avait rien à espérer, restait patiemment à m'attendre. Mais quelle joie quand nous sortions. « Vite, ma bonne Clarisse, conte-moi une histoire, j'aime tant à t'entendre. » Monsieur de Beauregard ayant été nommé évêque, il lui fallut choisir un confesseur. Le chapelain du Carmel, Monsieur de Rochemonteux attira aussitôt ses regards, mais il était jeune et mère Geneviève, se sentant déjà la vocation, se disait, il ne faut pas que je le choisisse pour confesseur, car ma cousine Thérèse dirait, voyez-vous, tous ces jeunes prêtres, ils ne sont bons qu'à enthousiasmer les jeunes filles à les envoyer au couvent. Ma cousine avait pour confesseur, un vieux chanoine de cathédrale, cependant j'allais la trouver et je lui dis, « Ma bonne cousine, je vous prie de me désigner un confesseur, mais choisis celui que tu voudras, tu es assez grande et tu es libre, ma bonne cousine, celui que vous me nommerez sera celui que je prendrai. » J'étais bien convaincue que ma cousine allait m'adresser à quelque bon vieux chanoine de cathédrale. Cependant comme elle ne faisait rien sans conseil, elle entendit parler du chapelain des Carmélites comme d'un jeune saint, et quelle ne fut pas ma surprise, quand elle m'annonça que son choix, s'était fixée sur Monsieur de Rochemonteux. Je dissimulai mon bonheur et la remerciai simplement. Maintenant, pensai-je, elle ne pourra plus me faire de reproches, quand elle connaîtra ma vocation, je crois que c'est à M. du lit, que la vieille cousine alla demander conseil. À l'âge de 17 ans, Mère Geneviève alla pour la première fois au Carmel, je ne sais si c'était pour parler de sa vocation, mais ce n'était pas, certainement, pour demander à entrer, je crois que c'était afin de remercier M. du lit de sa protection. Elle vit plusieurs mères, je crois que c'est au Touraine non pas au parloir. L'une d'elles lui dit, « Mademoiselle, quel âge avez-vous ? Oh ! Madame, je suis bien vieille, j'ai 17 ans. » Mère Geneviève devait avoir environ 20 ans quand son entrée fut décidée. Les choses se passèrent comme il est dit dans sa circulaire. Au parloir, elle ne fit rien voir de son émotion, mais, rentrée dans sa chambre, elle versa un torrent de larmes. Étant à la châtaignerie avec mon père, je me plaisais à faire apprendre le catéchisme aux enfants du village, j'en pris d'abord quelques-uns, mais bientôt ils se disaient entre eux, « Tu ne sais pas, la demoiselle des châtaigniers fait apprendre le catéchisme, allons-y aussi. » Si bien que j'eus bientôt autour de moi tout un petit peuple. Je me souviens en particulier qu'un jour, deux petites filles vinrent me trouver, en disant, « Mademoiselle, voulait-il nous faire apprendre notre catéchisme ?»« Certainement, mes enfants, comment vous appelez-vous ? » La plus petite, qui était la plus gentille, se hâta de répondre, « Je m'appelle Marguerite, mademoiselle, mais on me dit Goton, dites comme vous voudrez, ce m'est ben égal, eh bien, ma petite fille, je t'appellerai Marguerite. » « Et quel est ton nom, toi ? » dis-je à la plus grande, qui était très laide, mais paraissait douce et très bonne. « Moi, mademoiselle, on m'appelle Madeluche. » Marguerite reprit bientôt la parole, « Vous ne savez pas, mademoiselle, je viens de chez elle. Maître d'école, mais il ne peut pas venir à bout de moi, aussi il me fiche des coups, mais ça me rend pas meilleur et je ne fais rien du tout, c'est vrai ça, mademoiselle, que je suis paresseuse comme une rate, mais je crée qu'avec vous, je vais bien apprendre, car je ne suis pas sotte et j'ai bien envie de faire ma première com'. » J'encourageai mes deux nouvelles élèves, et bientôt je vis qu'elles étaient très intelligentes, mais autant Madeluche était douce et facile, autant Marguerite était vive et ardente. Pendant le catéchisme, j'allais me cacher derrière un pilier de l'église et, au retour, j'interrogeais mes enfants, « Voyons, Marguerite, dis-moi ce qu'a dit monsieur le curé ce matin. » Marguerite se levait, prenait le coin de son tablier, et le roulait entre ses doigts, « Oh, je sais ben. « Mademoiselle, monsieur le curé a dit comme ça. » Il a dit, « Ah, mais je sais ben, j'ai ça quasi sur le bout de la langue. » Il a dit, il a dit. Et la pauvre enfant en restait là, alors je disais à Madeluche, « Voyons-toi, vas-tu pouvoir nous dire quelque chose, mademoiselle, je crois que oui, » et timidement, elle répétait tout ce qu'avait dit monsieur le curé, au grand étonnement de ses compagnes. Au retour d'un sermon, je vis un jour Marguerite dans tous ses états, « Vous ne savez pas, mademoiselle, monsieur le curé a dit toutes, celles qui iraient à l'assemblée qui va y voir, et, elles, ne feraient pas leur première comme cette année, je suis ben mal contente, car je m'en faisais une fête, et toi, dis-je à Madeluche, regrettes-tu beaucoup l'assemblée ? Oh, non ! Mademoiselle, ça m'est égal, oui, reprit Marguerite, je te connais ben, va, mais fais de la cinq tant que tu voudrais, moi je t'ai dit que je suis mal content de point aller à l'assemblée. » Une autre fois, Marguerite me dit, « Si vous saviez, mademoiselle, comme j'assaraille bel jour de ma première com'. » Ma mère m'a acheté un bio déshabillé blanc et une belle coiffe, tout ça c'est ben bio. Je demandais à Madeluche comment elle serait habillée, « Je n'en sais rien, mademoiselle, je m'en occupe pas du tout, même on me mettra co. Madame elle voudra. » Cependant, malgré ce contraste frappant, Marguerite faisait de réels progrès, le grand jour approchait, mais hélas, la pauvre petite fille tomba malade, je me hâtai d'aller la voir, du plus loin que sa mère m'aperçut, elle accourut à ma rencontre. « Ah, mademoiselle, comment vous remercier ? Ma fille n'est pas reconnaissable, elle qui, dans le temps, ne voulait rien faire, maintenant elle cherche l'occasion de rendre service. » C'est plus la même, je ne sais pas comment vous avez fait. » Heureusement, ma petite malade se remit promptement et, le jour de sa première communion, Elle fut remarquée de tout le monde par sa piété et sa gentillesse. Il n'en fut pas de même de ma pauvre Maluche, l'avez-vous vue, disait-on. Est-elle laide et a-t-elle l'air sot avec sa bouche ouverte? Ah, me disais-je en entendant parler ainsi, si son visage n'est pas joli, son âme est bien belle et agréable au bon Dieu. Plus tard, étant au Carmel, on vint me dire que Marguerite me demandait au parloir. Elle était restée bonne et aimable, se faisant aimer de ceux qui l'entouraient. Vous vous rappelez de Mabuche, n'est-ce pas, me dit-elle. Eh ben, telle que vous l'avez connue, telle qu'elle est restée, elle est mariée, elle a des enfants et fait l'édification du village. Si j'avais voulu, Marguerite serait souvent revenue me voir, mais je ne fis rien pour l'y engager, aimant mieux n'aller que le moins possible au parloir. Une autre fois, deux petits garçons vinrent ensemble me trouver. Mamselle, voulait-il nous apprendre à accent circonflexe lire, oui, mes enfants, quel âge avez-vous, moi, dit l'aîné, j'ai 6 ans et je m'appelle Pierre, mon frère en a 5 et s'appelle Jean. Je me suis mis à leur expliquer la religion et, entre autres choses, je leur recommandais de ne jamais jurer, leur disant que cela était très vilain, et déplaisait beaucoup au bon Dieu. Le lendemain, Pierre entra chez moi, tout courroucé contre son petit frère, vous ne savez pas, mamselle? Vous nous avez dit de ne point jurer, eh ben, j'en viens de jurer, comment, mon petit Jean, tu as fait une si vilaine action, mamselle, n'y avait-il pas de guet? Pierre a pris de la poussière sur le chemin et me l'a jeté dans la goule, Pierre, toi qui es l'aîné, tu as eu tort de jeter de la poussière dans la bouche de ton petit frère, mais toi, Jean, tu n'aurais pas dû jurer. Le jour qui avait été fixé pour mon entrée au Carmel, je devais me trouver libre à 6 heures. Du soir, mes affaires étant terminées, mon confesseur me dit que, si je voulais, je pourrais attendre le lendemain. Mais je lui ai répondu, mon père, puisque je suis libre ce soir à 6 heures, j'entrerai à 6 heures. Pensez, ma pauvre enfant, si j'étais bien inspirée, le lendemain de mon entrée, je reçus une lettre du supérieur de l'établissement dans lequel mon petit frère était en pension. Il me disait que mon frère était malade, mais qu'il espérait que mes bons soins, et l'air de la campagne le remettraient promptement. Ainsi, si je n'étais pas entré le soir du jour où je me suis trouvé libre, j'aurais peut-être manqué ma vocation, les obstacles survenant les uns après les autres, m'auraient retardé et peut-être, auraient fini par m'empêcher d'entrer au Carmel. Il y avait au Carmel une de mes amies que j'avais connue dans le monde, elle était alors novice blanche. Avant mon entrée, on parlait un jour à la récréation de moi, et d'une autre postulante qui, devant entrer prochainement, trouvait des obstacles à sa vocation. Mon ami dit tout simplement, « Oh, pourvu que Mademoiselle Bertrand entre. Je ne tiens pas à l'autre, elle peut bien rester où elle est. » Aussitôt plusieurs religieuses dirent entre elles, « Voyez-vous, voilà une amitié particulière qui va commencer. » Je ne savais rien de tout cela. Aussi, quelle ne fut pas ma surprise, après mon entrée, de voir mon amie toute changée à mon égard. Elle me conduisait dans tous les lieux où je devais aller, mais se montrait réservée et même froide. Je ne lui demandais pas ce qui avait occasionné ce changement, mais plus tard, ayant été admise à prononcer ses saints vœux, elle me dit en licence le motif de sa conduite, et j'admirai sa prudence et ses vertus. Le matin de ma profession, j'étais si troublé que je demandai à aller trouver le confesseur, et ce ne fut que sur son ordre que je prononçai mes saints vœux. Il y avait dans le monastère, plusieurs sœurs qui avaient des vésicatoires. Peu de temps après mon entrée, il s'en trouva une nouvelle qui ne voulait pas se nommer. Un jour, au lavage, une sœur dit sans réflexion, « C'est sans doute sœur Geneviève qui a un vésicatoire, elle ne veut pas le dire, de peur de ne pas être reçue. » Ma maîtresse qui était présente, entendant cela, s'imagina que c'était vrai, et que je le lui avais caché, aussi se montra-t-elle très sévère à mon égard. Moi qui ne soupçonnais rien, je continuais à être avec quelque mal ordinaire, sans pouvoir m'expliquer sa sévérité qui était incompréhensible. Un jour, j'allais la trouver pour lui demander la permission de me laver les pieds. « N'avez-vous que cela à me demander ?» me dit-elle sévèrement, « Oui, ma bonne sœur. Je ne crois pas avoir autre chose, comment, petite fourbe, petite fausse, vous n'avez que cela? Et le vésicatoire que vous avez, deux aides de bras et que vous cachez? Ma surprise était extrême, je lui assurai que je n'avais pas de vésicatoire, mais sans parvenir à la calmer, enfin, je finis par lui montrer mes bras pour lui prouver que je ne la trompais pas. Quelque temps avant ma prise d'habit, la bonne sœur Aubière m'appela et me dit, « Ma sœur Geneviève, je vais vous traiter en privilégié, regardez le manteau que je vais vous donner. » Puis elle tira de son armoire le manteau en question. Il avait appartenu à une sœur qui était morte très vieille. Cette sœur étant toujours assise dans un fauteuil pendant les dernières années de sa vie, on ne faisait pas attention que son manteau était beaucoup trop court, je pense, qu'il avait rapetissé à force de le laver, et puis il était tout jaune. En le voyant, j'eus le cœur bien gros, moi qui me faisais une fête d'avoir un beau manteau blanc. J'avais bien envie de pleurer, cependant, je remerciai la Robière sans rien lui dire de mon chagrin. Quelques jours après, une novice qui venait de prendre l'habit, ayant appris que je n'aurais pas un manteau neuf, se mit à pleurer en disant, « Moi qui avais tant désiré d'avoir un vieux manteau. Ma sœur Geneviève a-t-elle de la chance ?»« Ah, me disais-je, faut-il que je sois imparfaite. Ma compagne pleure parce qu'elle n'a pas un vieux manteau, et moi je pleurerais d'en avoir un, la mère prieure ne permit pas. » Que mère Geneviève porta le manteau qui, malgré sa petite taille, ne lui venait pas même aux genoux. J'étais à l'emploi de la robrie avec une jeune religieuse, et nous avions une bonne vieille pour première d'emploi. Un jour, nous avions une corbeille toute pleine de tuniques à raccommoder aux petits points. Ma compagne et moi, nous avions si bien travaillé, que le soir toute la corbeille fut vidée, nous nous faisions une fête de la surprise que nous allions faire à notre première. Mais quand la bonne ancienne arriva, elle se mit à l'ouvrage comme d'habitude sans nous dire un mot. Nous nous regardions toutes les deux avec consternation, mais bientôt ma jeune compagne prit la parole, « Ma bonne sœur, n'êtes-vous pas contente? Voyez comme nous avons bien travaillé, oh, mes petites sœurs, je vous demande pardon, je ne savais pas que c'était pour moi, que vous aviez fait tout cet ouvrage, je croyais que vous aviez travaillé pour le bon Dieu. » C'est pour cela que je ne vous remerciais pas, mais maintenant que je le sais, je vous en suis bien reconnaissante. Merci. Merci, mes bonnes petites sœurs. Vous, est-ce jugé, ma pauvre petite, de l'impression que nous ont faites ces paroles, aussi, nous n'eûmes pas la tentation de recommencer. C'était l'usage à Poitiers que la dernière, professe soit troisième infirmière, aussi, aussitôt ma profession, je fus placée dans cet emploi. Mais j'étais si maladroit que je ne pouvais rien toucher sans le laisser tomber. Un jour, on me mit dans les mains un plat de pruneaux, me recommandant de le porter avec précaution, mais à peine si j'avais fait trois pas, patatras, voilà le plat à terre et les pruneaux renversés. Ma mère prieure, pour me punir, me faisait laisser la communion, les jours où je cassais quelque chose. Un matin, avant la messe, il m'arriva de casser un objet. J'avais bien envie de ne le dire qu'après la messe, mais je pensais qu'il ne fallait pas faire cela, puisque je savais que notre mère me ferait laisser la communion si elle le savait. J'allais donc le lui dire, « Ma bonne mère, je viens de casser telle chose, laissez votre manteau, ma sœur Geneviève. » Il y avait à l'infirmerie une sœur du voile blanc, ma sœur Radegonde, qui était une vraie sainte. L'odeur qu'elle répandait autour d'elle était tellement repoussante que, la veille de sa mort, le médecin qui la soigna ne resta que très peu de temps et, quand il fut sorti du monastère, il alla demander quelque chose à boire chez les tourières, car le cœur lui manquit. « Il faut, dit-il, que ces dames soient des saintes pour supporter une pareille odeur, c'est à n'y pas tenir. Eh bien, pensez, ma pauvre enfant, que le jour de sa mort, toute mauvaise odeur avait disparu, c'était un vrai miracle, car nous nous attendions à ne pas pouvoir la garder, le docteur nous l'ayant dit. Au lieu de cela, on respirait autour de son lit un vrai parfum. C'était en été et la chaleur était grande. Avec quel bonheur et quelle dévotion, je me plaisais à lui faire des couronnes de roses, et à les remplacer aussitôt qu'elles étaient fanées. Il y avait à l'infirmerie une malade qui avait, pour fermer les manches de ses tuniques, un grand nombre de petits cordons, je crois que c'était 24. Un jour, elle me demanda de lui changer ses cordons qui étaient usés. J'allai aussitôt trouver la première infirmière pour lui demander des cordons, elle m'indiqua où ils étaient et je fis ce travail, qui était un peu long. Quand j'eus fini, j'allais porter mon travail à la malade qui en fut bien contente. Mais bientôt l'infirmière vint me trouver, « Ma sœur Geneviève, qu'avez-vous fait ? Vous avez mis des cordons neufs à la tunique, vous auriez dû changer debout ce qui était, ma sœur, je vous remercie de me le dire, je vais défaire ce que j'ai cousu et mettre les anciens. » Bien vite, je retournai auprès de l'infirme, la priant de me rendre sa tunique. « Pauvre petite, me dit-elle, comme je vous donne du mal, oh, ma sœur, cela ne fait rien du tout, je vais bientôt vous la rapporter. » Je recommençai mon ouvrage, car j'avais bien trop peur de faire une faute contre la sainte pauvreté.